comme toi, je passe plus de temps à travailler qu'à vivre. Je cotérise plus que je ne cotise. Finalement, je ne suis pas de ceux que l'odeur du pognon enivre. Mais le nerf de la guerre est évident. Dans ma cage contractuelle, planifiée à 35 heures, je me ferai la belle. J'ai de la fuite dans les idées. J'assumerai l'indécence d'une inertie volontaire et de la douce décadence de ne rien faire. Je voudrais être libre, vivre sans contrainte et sans contrat. À part celui que j'ai choisi de vivre avec toi. J'entretiendrai la sauvagerie de ma pilosité faciale. Remettrai chaque jour les mêmes habits de plus en plus sales. J'énerverai les gens pressés par ma lenteur. Les narguants de mon ostensible bonne humeur. J'irai chercher ma petite graine au collège. Même si elle n'a pas besoin de moi, j'irai quand même, juste pour me venger et vivre le privilège de contrecarrer l'anathème. Je voudrais être libre, vivre, je vois point de le crépuscule. Même équilibre précaire qui bascule, la source ta vie, pour une motivation d'hier. Libre, j'ai de la fuite dans les idées.